Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 7 février de quelle année ? De 1904, jour du grand incendie de Baltimore aux États-Unis. Baltimore se trouve au nord de Washington, dans le Maryland, au bout de la longue baie de Chesapeake. C'est à l'époque déjà une vaste agglomération de plus de 500 000 habitants, Baltimore. Alors dites-moi, comment le sinistre s'est-il déclaré ? Alors le feu a pris à 10h48 précisément, ce matin du dimanche 7 février, dans les locaux de la firme John Hurst & Company. C'est une épicerie en gros, on pense que c'est un passant qui en fait a jeté tout simplement un mégot de cigare ou de cigarette dans un regard grillagé. Le feu se propage très vite, il va durer sans répit deux journées entières jusqu'à la soirée du lundi 8, et ce malgré les renforts importants en pompiers qui arrivent de partout, à commencer de Washington. Toutes les tentatives d'endiguement jusqu'au pare-feu créé par le dynamitage de blocs d'immeubles entiers, tout ça va se révéler inefficace et du coup les destructions sont impressionnante, considérable. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du grand incendie de Baltimore avec un bilan économique effroyable. Tout le centre de la ville est complètement détruit. 100 millions de dollars à l'époque, c'est des dollars or qui sont partis en fumée. 2500 entreprises en faillite, 35 000 emplois perdus. Enfin, la ville va se relever avec beaucoup de courage et d'énergie. Ça va faire l'admiration du monde entier, mais quelle catastrophe. Précisons, Franck, qu'il n'y a pas eu de victime. Alors voilà, c'est le plus extraordinaire. Aucune victime civile à déplorer. Alors en fait, quand je dis aucune victime, on a fini par trouver une victime oubliée du grand incendie. C'est un Afro-Américain qui a été repêché dans le port. Et à l'époque, seul le Baltimore Sun en a parlé encore à voix basse. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Ah oui, pour une émission assez particulière, puisque mon invité sera Jean Tellet.